Santana. Santana, il joue ce soir. Carlos Santana. Oh, Titi, il a des problèmes avec son ordinateur. Ingénieur informaticien, je suis... Demande à Bilos, un ingénieur informaticien. C'est frappadingue sur Perry. La dernière fois, il y en avait un qui se faisait passer pour un prisonnier. En fait, on attendait les voitures qui passaient dans la rue. Il disait qu'il était dans la cour de la prison, mais un fou, quoi. Thank you. Mm-hmm.